Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Nous sommes le jeudi 11 octobre, il est 20h et vous le savez, c'est votre rendez-vous donc hebdomadaire, c'est l'émission 120 au compteur. Bonsoir, c'est Harry, bonsoir à toute l'équipe qui est là, bonsoir à Marine. Bonsoir, ça va ? Est-ce que ça va bien ? Bon, ça va très bien et toi ? Bah bien, bonsoir à Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, on t'entend bien cette fois-ci. Ah bah c'est cool. Alors on est en équipe restreinte ce soir. Oui. Puisqu'effectivement bah voilà, Canon pour des raisons professionnelles sera pas avec nous. Mais tant mieux. Les meilleurs sont là. Salut au passage évidemment. Bien sûr. On va avoir une belle actualité ce soir. On va parler de plein de choses. On va parler de spectacles. On va parler de salons commerciaux. On va parler de d'événements qui vont avoir lieu dans la région, notamment à Luynes, Marine. Oui, la Ducasse Nel. Voilà. On parlera aussi d'une super soirée dont on a déjà commencé à en parler. Qui aura lieu le 13 octobre à la Blomerie, donc la soirée qui s'intitule Hit 80 90 90 2000, et on recevra donc Jean-Marie d'ici quelques minutes pour nous en parler évidemment. On vous refera aussi un petit retour en arrière sur ce qu'on a vécu à la Delta Fête, puisque c'était une soirée donc en partenariat avec la radio RLM. Il y aura bien sûr la chronique ciné. Oui, bien sûr. Donc un film de quelle année ? De 95. De 95. Si je me souviens bien, ça doit être ça. Voilà. Et tu vas nous parler aussi. Je vais vérifier quand même. Tu vas nous parler aussi donc de sortie Cinoche. Ouais, 93. 93, ouais, d'accord. Et lui, tu nous parleras aussi de sortie Cinoche. Oui, effectivement. Donc les sorties qui sont sorties hier. Voilà. Donc ouais, bon, c'est bien. Bah oui, bah j'espère. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Machine dans ma tête, la 9 FM. Pierre sur la fréquence. Premier sur les hits. RLM, tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et c'est toujours aussi bon, j'espère que vous passez un bon moment, enfin en tout cas un bon début de moment, hein, puisqu'on a démarré à peine une dizaine de minutes, donc dans l'émission 120 au compteur, comme tous les jeudis, donc de 20h à 22h. Et là, donc, nous vous parlions en préambule donc d'une soirée qui aura lieu, donc on n'a pas donné la date, mais on va la donner maintenant, le 13 octobre, qui s'intitule Hits 80-90-2000. Une soirée qui, à mon avis, va faire parler d'elle, puisqu'on connaît l'organisateur. Il est avec nous, c'est Jean-Marie Houdemaker. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Comment à vous tous. Alors, nouvel événement. Surtout la jeune fille qui est là. Surtout, ah bah voilà, surtout. Et voilà, il faut en douter. Voilà, chasse naturelle revient au galop. Voilà. Marine est exceptionnelle. Oh, merci. Oh, Marine. Heureusement qu'elle est exceptionnelle. Si tu me servais. Rien dit. Heureusement qu'il n'y a pas plusieurs exemplaires de Marine. Alors Jean-Marie, alors si tu pouvais ne plus regarder Marine et puis de nous parler de ton événement qui aura lieu donc le 13 octobre à la Blomerie. L'événement, c'est l'événement un peu répétitif de tous les ans au mois d'octobre, donc toujours une semaine après la fête des Hurlus Moucronoises. Donc nous faisons une soirée réservée aux hits, vraiment les hits des années 80, 90 et 2000. Avec deux DJ qui vont se défoncer pour vous faire plaisir et vous faire revivre vos meilleures soirées sur les meilleurs tubes sur lesquels vous avez tous dansé. Et il y aura les lacs du Connemara. Entre parenthèses, il y aura le lac du Connemara, il y aura bien d'autres choses. Je fais confiance à mes DJ. DJ Pimpon et DJ Arnaud. Justement, voilà. Tu nous parles de tes DJ. DJ Pimpon, on le connaît, enfin, il est. C'est un peu ton DJ résident. Mon DJ résident et mon ami. C'est ça. Et alors, il y a un petit nouveau, là, un petit jeune apparemment. Alors, notre tireur d'identité. J'ai été récupéré un petit nouveau qui a sûrement beaucoup d'avenir et qui fait partie de votre grande maison. Bien sûr. Il anime les matinales. Tous les matinales. Hein, c'est voilà, ça, tireur. Voilà. Pâte de café aussi, lui. Ce sera donc l'occasion pour tous ceux qui écoutent Arnaud tous les matins de le voir travailler devant eux et de pouvoir voir ce monsieur, ce beau jeune homme qui va les faire danser toute la soirée. Donc, mais bon, pas être déçu. Ça va être du RLM en direct. Ah bah ouais, c'est clair. En plus, il est très généraliste et puis lui, il s'y connaît. C'est vrai que ça fait des années qu'il mixe. Alors, ça va se passer donc à la Blomerie à partir de 21h, donc le 13 octobre. C'est samedi prochain, dans deux jours. Nous sommes à J-2. Ah ouais, c'est vrai, ça va très très vite. Donc, comme tu es grand prince, tu proposes de faire gagner deux places. RLM, je dois bien recevoir de moi quand même quelque chose, c'est normal avec cette invitation que je reçois à chaque événement. Donc oui, je me propose de faire gagner à vos auditeurs deux places par question que notre DJ Sherlock aimera bien vous poser. Alors DJ Sherlock, c'est la première fois qu'on m'appelle DJ Sherlock. Allez DJ Sherlock, on y va. Question. Eh ben écoute. Allez, je vais lancer deux titres, oui. La suite. Il faudra me donner l'interprète du premier titre. C'est un titre en français, donc il faudra juste, dans le temps en fait, de la coupure musicale, vous nous appelez donc au 056 34 11 81 ou au 00 32 56 34 11 81 ou encore sur la page Facebook, vous nous envoyez un message, alors si possible en MP, vous envoyez votre nom et vos coordonnées qu'on puisse ensuite les donner à Jean-Marie ici présent et vous nous donnez juste l'interprète du premier titre qui va passer. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant tout de suite. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Plus, pourquoi tu sais plus? Tu vois, tu retrouves plus ta rue, ta paumée. crois bien que t'es perdu. Tu marches pas, tu nages. Et là tu crois que je vais rester sans rien dire. Ah oui, tu crois. Once you FM. RLM. Et oui, alors là, on était en train de parler hors antenne, alors avec Jean-Mario Domecker, hein, qui organise donc cette super soirée le 13 octobre, donc à partir de 21h à la Blomerie, avec en fait, on couvre tout l'univers musical des années 80, 90 et 2000, donc que des titres, des hits avec donc Platine, DJ Pimpon et DJ Arnaud Tirard. Et alors, il me dit, il y a les démons de minuit, c'est Émile et Images. Et non, en fait, les démons de minuit, c'est Images. Et ensuite, ça a été repris par Émile et Images. Je suis pas oui. sûr. Ah, si, si, si. Certain. Ah, si, genre, ah, si, à la base, c'est Images. Attends, je regarde. Je te parie une bière. Parce que Émile faisait partie de Gold. Avec le stock que tu as ici, on n'est pas tranquille. Ah, hein. Alors, Émile faisait partie de Gold. Gold. Donc, voilà. C'était ouais. Images qui chantait Les démons de minuit. Et ensuite, ils se sont associés. Donc, Émile et le groupe Images se sont associés pour faire Émile et Images. T'as raison. Ah, mais c'est sûr. Non, moi, je tiens avec Jean-Marie. Ok, donc ouais, elle doit tourner. Ta voix ne compte pas. T'as le temps d'aller fumer une cigarette. Donc Marie nous doit une tournée. Alors effectivement, donc vous avez la possibilité, parce que Jean-Marie est grand prince, de gagner deux places pour cette soirée. Alors, on vous avait posé une question tout à l'heure. On vous avait posé la question de l'interprète. Alors, on va donner la réponse parce que. Oui, c'était donc Florent Pagny. Voilà, qui bon, nous chantait n'importe quoi. Voilà, il chantait n'importe quoi. Enfin, c'est le nom de la chanson. Voilà, absolument. Et donc, effectivement, vous avez la possibilité donc de remporter deux places. On va faire ça pendant toute la soirée. Enfin, on va pas remporter 10 places non plus, hein, mais pour l'instant, c'est deux places qui sont mises en jeu. Pour ça, pour pouvoir les obtenir, il y a une question, puisque ce sont des soirées où il y a des titres qui sont incontournables. La question est la suivante. Qui est l'interprète de You Are The First, The Last, My Everything? Marine, tu peux répéter? Wow. Alors, mon Dieu. You're the... You're... Non, tu peux m'appeler Sherlock, hein, tu non. sais. Non. You're the first, the last, my everything. Ouais, c'est pas okay, mal. C'est pas mal. Tu peux le redire parce que les gens c'est, ont oublié. C'est à peu près du niveau d'Arnaud Tirard. Hein. Le ah bah, niveau d'anglais, content, je crois que. Oh bah, écoute, j'arrête pas de me battre là-dessus. Je suis là, vous arrêtez. Vous pouvez la chantonner un peu? Bien sûr. The, you're the first. The attends, last, tempo. My everything. Alors, justement, the last. Si vous nous indiquez, si vous nous donnez la réponse, qui interprète donc You're the First, the Last, My Everything, vous nous donnez le nom de l'interprète, et bien vous remportez deux places pour cette soirée donc du 13 octobre à la Blomerie. Pour ça, bah, soit vous nous appelez au 056 34 11 81. Ou depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Ou alors directement sur notre page Facebook, hein, émission 120 au compteur, et puis bah, vous envoyez la réponse. Qui interprète You're the first, the last, my everything. Yeah. Si vous avez la réponse, vous remportez deux places donc, pour cette soirée. Donc, je vous rappelle avec au platine DJ Pimpon et DJ Arnaud Tirard. J'en profite aussi également puisque voilà c'est aussi un partenariat avec un spectacle qui aura lieu donc à Waterloo qui s'intitule Paris on t'aime donc au centre socio-éducatif de Waterloo. Si vous souhaitez aussi remporter des places, et ben voilà, vous pouvez aussi remporter donc deux places pour la séance soit de 14h ou soit celle de 17h donc au CSE à Waterloo. Donc c'est un spectacle haut en couleur, musical, comédie musicale qui vous fait voyager à travers Paris et les événements qui ont marqué Paris, la capitale de France. C'est par la troupe de temps en temps donc de Waterloo. Si vous souhaitez donc remporter vos places, il suffit tout simplement de nous donner votre nom, votre prénom sur la page Facebook que 120 au compteur. Donc il y a plein de cadeaux hein, ce soir. Oui, c'est sûr. Allez, on se retrouve après. Etienne Dao avec Apple Tattoo et ABC avec The Look of Love. ABC. Non, c'est pas celui-là. Ah. Bah, j'aurais essayé. RLM 107.9 FM. Mm-hmm. Whoa, whoa, whoa. When your world is full of C'est sur RLM. Et c'est toujours aussi bon comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h dans l'émission 120 au compteur. Alors je vous rappelle que ce soir nous sommes avec Jean-Marie Houdemaker, qui est l'organisateur et qui fait du bruit d'ailleurs, qui est l'organisateur donc de la soirée Hit 80-90-2000 qui aura lieu donc le 13 octobre à partir de 21h à la Blomerie, et que vous avez la possibilité, Jean-Marie, donc de gagner des places. Bien sûr, vous avez la possibilité de gagner à chaque fois deux places. Ouais. Et il suffira simplement que RLM me donne le nom et prénom et que la personne se présente chez nous avec une pièce d'identité à l'entrée, et les entrées sont automatiquement gratuites. Ah bah c'est génial. Alors pour ça, voilà. Évidemment, il y a une question, et la question est la suivante, Sherlock. Je sais plus ce que tu avais posé comme question. Bah, quel est l'interprète de You're the First, The Last, c'est My Everything? Alors vas-y, pose la question. Donc, quel est l'interprète du titre You're the First, The Last, My Everything? Voilà, donc là vous répondez soit par téléphone, donc au 056 34 11 81. Oui, très bien. 32 si vous nous appelez de la France, ou alors oui, via notre page Facebook. Ah oui, alors émission 120 au compteur sur RLM 107.9. Alors Marine va nous faire un petit retour sur ce qu'on a vécu ce week-end, puisque ça a quand même été la Delta Fête. Donc une super festivité, puisque ça a duré trois jours de fête. Il y avait une super ambiance, il y avait des super chanteurs. Ouais, tu peux nous citer quelques chanteurs justement qui se sont succédés sur scène. Il y avait Gibbs Vocali, Blue and the Soul Brothers, Richard Alexandre. Je suis devenue une vraie groupie de Richard Alexandre, donc je m'excuse. Retro Fanfare. Alors Richard Alexandre, tu peux nous faire un petit point sur Richard Alexandre? C'est un grand chanteur. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Richard Alexandre? Il est champion d'Europe de l'Eurockey. Ouais. Et finaliste champion du monde dans les top 5. Ouais, absolument. Ouais. Et très bon chanteur, c'est vrai. Ouais. Il y avait Timothy aussi qui était là. Ouais. Steph H, vendredi, qui a fait l'animation. C'est lui qui a démarré. Il chantait pas lui. Non, ça a super bien marché. L'Orchestre Sébastien, le Clown Valou, enfin il y avait bien du monde quoi. Voilà, donc ça c'est la première édition et il y a de fortes chances pour qu'il y ait une deuxième édition donc l'année prochaine. Donc c'était, je vous le rappelle, hein, pour inaugurer donc les nouveaux bâtiments, puisque maintenant le Delta devient Delta Solidaris. T'es au courant, Jean-Marie ? Oui, j'ai entendu parler de cette manifestation et du monde que vous avez drainé. Oui. Et grâce à cela. T'as pas vu, dis donc. J'étais obligé de travailler un peu pour la fête des Hurlus, et d'ailleurs je pourrais dire aux gens d'éviter de faire une fête si près de Moucron. Le jour où il y a les Hurlus qui drainent quand même leur monde. C'est vrai. Non, il y a des jours à éviter. Les 24 heures sont à éviter. La fête des Hurlus est à éviter. Donc, mais autrement, le Delta a un bel avenir avec ce style. Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est d'aller à la soirée du 13 octobre à la Blomerie. Voilà. Donc, soirée Hit 80-90-2000. On vous donne la possibilité donc de gagner des places si vous nous trouvez l'interprète de You're the First, The Last, My Everything. Franchement, c'est donné. Si vous nous balancez la réponse, soit par téléphone, donc au 056 34 11 81, ou soit via la page Facebook 120 au compteur. Qu'est-ce qui te fait rire, Charles? C'est parce que je me doute que tu as dû faire un petit post-it en notant le numéro, parce que comme tu n'as pas l'habitude de le dire à l'antenne. Je connais par cœur le numéro. Bah ouais. Il n'y a même aucune feuille autour de lui. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. On dirait moi que tu mets post-it et mes notes. Etc. C'est ça. Bon, on se retrouve tout de suite après cette coupure musicale, donc avec Émile et Image qui chantent Jusqu'au bout de la nuit. Tu avais raison, Jean-Marie. Non, pas du tout. Si, non, pas du tout. Si, si. Et bah, ensuite. Fou, non. Et on reviendra avec les Bomb Funk MCs avec Freestyler. Mais ne touche pas à maîtresse. Je veux bien.

fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et ce soir, donc, je vous rappelle que nous sommes avec Jean-Marie Doumaker, qui est le responsable et l'organisateur donc, de la soirée du 13 octobre à la Blomerie, donc soirée hit 80, 90 et 2000. En fait, ça va être tous les hits des années 80 à aujourd'hui, c'est bien ça? Exactement, oui. Alors, on a la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de gagner vos places donc, via Internet ou via notre numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone 056 34... 11-81, voilà, et pour ça, bah, il suffit tout simplement de nous donner l'interprète donc, de la chanson You're the First, the Last, My Everything, donc c'est difficile. Donc il suffit tout simplement donc, soit de nous appeler ou alors sur notre page Facebook, 120 au compteur, vous nous donnez votre nom, votre prénom, comme ça on pourra vérifier à l'entrée, effectivement, avec votre carte d'identité, que vous êtes bien les gagnants donc de ces deux places pour la soirée du 13 octobre. Alors sinon, vous avez la possibilité aussi d'acheter des préventes, Jean-Marie. Et les préventes, c'est jusque 21h justement ce samedi-ci. Nous allons laisser la possibilité aux gens qui se déplacent d'un peu plus loin, on va dire à plus de 10, 15 ou 20 km, et qui n'ont pas eu la possibilité de venir eux-mêmes chercher des préventes ici à Moucron. Donc les points de prévente à Moucron resteront disponibles jusque 21h et les préventes aussi. Soit, je vais citer des endroits. Bien sûr. Voilà, il y a la brasserie La Table d'Amis, qui se trouve au boulevard industriel, juste à côté du McDo. Il y a la friterie Joe, qui se trouve rue de la Marlière, près du grand parking. Ouais. Et il y a le café Le Plan B, qui se trouve à Herzo Gare. Chez Franz. C'est Franz, voilà. Très gentil garçon. Et c'est point de prévente, distribueront de ces préventes jusque 21h le jour de la soirée même. C'est bien. Alors on peut parler quand même du prix des préventes et le prix de l'entrée le soir même. Alors le prix des préventes est à 10€ et l'entrée sur place sera à 13 et toutes les consommations seront à partir de 2€. Ah bien. 2€ pour une bière ou un soft, voilà. Ça va. Donc très démocratique. Oui. Alors on a une surprise, Jean-Marie, et ça nous fait bien plaisir puisqu'on est avec une danseuse nue. Raconte, ah, c'est pas ça. C'est pas très radiophonique, hein, déjà. Même si on ouais, mais bon, ouais. Bon, nous, ça va. Pour hein. Nous, ce serait sympa, mais. Marine, elle s'embêtait un peu. Ouais, on a bah mieux ouais. Que ça. On a mieux que ça. On a l'un des artistes qui a foulé, justement, la scène du Delta Fête ce week-end. Et c'est Thivoti. Bonsoir. Bonsoir, Thivoti. Alors, remis de tes émotions. Oui, très, absolument. Ouais, ça a été un bel événement. Très bel événement. Tu as eu l'occasion donc de faire carrément un concert. Hein, oui, d'une heure. Avec une jolie bassiste. Ah oui. Un non moins connu batteur aussi également. Oui, et puis évidemment le leader c'est toi. Tu as interprété le plus gros de tes succès, qui sont extraits de ton album Toujours Plus. Absolument. Et ton ressenti justement à ce que tu as vécu, parce que nous on l'a vécu très très bien. Moi j'ai bien aimé la participation du public. Je trouve que le public a été très chaleureux. Parce que c'est jamais évident lorsque tu t'amènes sur scène, surtout après des tas de gens qui ont fait des covers ou des chansons standards, que tu t'amènes sur scène après avec des chansons qui ne sont absolument pas connues. C'est vrai, ouais. C'est ton propre répertoire. Et en fait, tu dois faire adopter par le public ton répertoire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que le public doit aussi t'adopter. Ouais. En tant que personne physique, en tant que, je vais dire, animateur, parce que quelque part, c'est aussi une forme d'animation, de mettre de la chanson et de faire participer le public. Je trouve que le public a vraiment été vraiment génial. Bon, tu me diras entre parenthèses, mais une petite parenthèse, j'avais mon fan club à droite et à gauche. Hein. Ah bah oui. J'étais venu spécialement pour moi, mais enfin, c'est pas ça. Mais j'ai adoré, franchement, les gens qui étaient là. Tout le monde a bien participé. Et c'est vrai que soulignons que tu étais le seul auteur, compositeur, interprète l'événement, puisque ça a été souvent des covers, des groupes. Je pense à Marco qui reprenait du Johnny Hallyday, je pense c'est à Pat. Marco, il était là. Ouais, elle était là, Marco. J'ai pas vu. C'est vrai? J'ai pas bah écoute, Marco est venu, donc sosie vocale de Johnny Hallyday. Et puis il y avait aussi également Emily hein, qui reprenait des chansons. Voilà, et puis il y a eu plein de Blue Anderson Brothers. Ah oui, bah non, c'était aussi. Ah non, c'était reprise aussi. Hein, ouais, c'est des reprises également. Brothers, en la personne de Marie. Enfin, il y a eu plein d'artistes qui sont venus. Pat qui a chanté du Patrick Sébastien aussi également. Donc il y a eu de tout. Pat était pas tant lui, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ah ouais, c'est toujours ouais. Alors, l'ambiance. Lui, son adage, c'est je viens foutre le bordel. Voilà. Et, il y arrive, il fout le bordel. Okay. C'est clair. Vraiment, c'est clair. Vraiment. Mais, voilà. Donc Thivoti, on rappelle ton actualité. Effectivement, il y a toujours ton album, hein, Toujours Plus. Qu'on peut se procurer via ta page Facebook par exemple. Ma page Facebook, je l'ai là un peu chez moi aussi en stock. Donc on peut venir chez toi directement. Venir chez moi, vous serez bienvenue sans problème. Un site internet. C'est sur les plateformes de téléchargement. Un site internet peut-être. Bien sûr, thivoti.com. Voilà. Eh ben, voilà. Alors, Tivoti, on rappelle, c'est T-I-V-O-T-Y. Absolument. Il n'est pas Tivoli, hein, ça c'est le Bon, eh ben, on va continuer en musique. Merci. Oui. En rappelant qu'effectivement, possibilité donc, de gagner deux places, hein, pour la soirée du 13 octobre, donc à la Blomerie. Donc, soirée bien 80, dans le micro, par contre. Soirée des 80. Ça te va, pas trop dans le micro, par contre. Soirée des 80, 90 et 2000. Donc, si vous voulez remporter vos places, eh ben, c'est très simple. Hein, il suffit donc de nous appeler au 056 34 11 81. Oui. Ou alors sur la page Facebook, 120 au compteur. Il suffit de nous donner la réponse à la question suivante: qui est l'interprète de You're the First, the Last, Marie? Tu le fais très bien avec une patate chaude dans la bouche. Allez, on se retrouve après ça. Je t'aimerai encore et encore. late? Sure. Eat this. Being a color. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et ce soir, donc, vous l'avez compris, nous sommes avec Jean-Marie Houdemaker hein, pour la soirée du 13 octobre à la Blommerie. Et je vois que Marine, elle a fait ouais. Ouais, moi je suis groupie, moi. Ah bah ouais, t'es groupie tout le monde, toi, de toute façon. Ouais, je suis groupie déjà. On est également avec Thivotti, ça fait plaisir, qui vient donc nous rendre visite. Thivotti, un auteur, compositeur, interprète, et qui est avec son dernier album aujourd'hui, Toujours Plus. Thivotti, bah, c'est un ami maintenant. Et alors, est-ce que t'as une date là bientôt prévue? Non, pour l'instant, j'attends des nouvelles avec impatience de Paris. Oui, c'est vrai, parce que tu as gagné donc le concours d'auteur-compositeur interprète avec Jean-Félix Lalanne, oui. Avec Jean-Félix Lalanne, donc au Nez Rouge à Paris. À Paris, j'attends. Et donc il y a une date sur Paris. J'ai regardé la programmation, tout est programmé jusque fin décembre 2018. Ouais. 2019, il n'y a encore rien, j'ai rien vu sur la programmation. Donc je suppose que de toute façon, ce sera pour 2019, ça c'est sûr. Moi j'espère au printemps, j'espère, parce que bon, aller sur Paris en plein hiver, c'est pas très gai. C'est beau. Mais surtout qu'on a eu des problèmes la dernière fois, souviens-toi, je devais aller quand j'ai dû faire la première scène ouverte. Ouais. Ça a été remis à cause du froid et du gel. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'à Paris, dès qu'ils ont 2 cm de neige, ils savent plus rouler. Ouais, mais c'est mais c'était sur une péniche, il faut bien comprendre aussi. Ah, en plus. Ah ouais, donc. Et c'est par là que passent les clouches. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. On va rien dire. Marina se demande quoi. Moi, là. J'ai rien suivi. Moi, on t'expliquera hors antenne. Bon, ouais. Eh ben, j'ai déjà peur. Tiens. It's now or never the ciné retro. Oh yeah. Yeah. The retro ciné. Oui, effectivement, je vais vous parler d'un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je pense. Ouais, bah, ça dépend. Peut-être. Encore. Si, il faut voir. Le film date de 93. Plus précisément du 20 octobre 1993. Un mercredi. Oui, c'est ça, Odissa, bravo. Ah oui, bah quand elle est pas là, elle nous manque, donc forcément. Un mercredi. Donc, le. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? La musique est de Olivier Bernard et d'un autre compositeur que je ne nommerai pas, sinon vous allez trouver tout de suite. Ouais. Dans les acteurs, on peut retrouver Anne Jacquemin, Yolande Moreau, Bruno Locher, Elise Moon et Bernard Farcy. Ouais. Par exemple. Le film a fait 6 897 098 entrées au box-office français et a reçu un prix, le César de la meilleure première œuvre. Est-ce que ça vous parle un peu ? Alors, est-ce qu'au niveau du compositeur, est-ce que c'est un compositeur qui a souvent fait des comédies du type Les Compères, Les Fugitifs ? Pas du tout. D'accord. Non. C'est, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il était compositeur. Ah, en plus. Alors, je vais vous passer un premier extrait. C'est une chanson qu'on entend dans le film. Écoutez bien. Alors, les fans d'une radio concurrente et néanmoins amie devraient ouais. peut-être connaître le titre, ouais. ou ceux qui sortaient en boîte sur la route de Pec. Ouais. Hein, c'est le groupe D-Control avec le titre Alien Life Forms Visit Earth. Alors, est-ce que ça vous parle ? Ouais, moi j'ai envie de dire un truc. Vas-y. Il y a Bambi qui fait dodo. Oui, exact. Ah hey, mais... oui, bah oui. Hey, mais tu la connais par cœur ou quoi, ah cette oui, chanson bah oui. Oui, effectivement. Bon, alors, c'est pas celui-là d'extrait que je vais vous passer, mais écoutez bien, il est pas mal non plus. Suivant le codicille suspensionné par votre maman. Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement, parce que moi, je comprends pas trop. Ah non, je comprends pas non plus le codicille. Les rites. Eh bien, il y a deux jours, l'héritage était encore à vous. Oui. Et aujourd'hui, oui. il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisé... Ça, c'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste une seconde, parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruit. Là, de... Usufruit. Enfin, oui, donc, c'est quoi, ça veut dire quoi bon. Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisé... Non, ça va pas, non, excusez-moi. Non, oula, c'est excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Clairement. Clairement. Oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. Alors, bon, ouais. forcément, toi, ça ouais. te parle, Harry. Ah bah oui, mais déjà, rien qu'avec la d'ailleurs, première chanson. C'est un huissier qui parle. Oui, effectivement. Alors, c'est un notaire, effectivement. Ouais. Alors, je me suis dit, avec cette chanson, ils vont jamais trouver. Ouais. C'est pas possible. Et toi, la première chanson, tu me le trouves. Quoi. Oui, bien sûr, effectivement. Bien sûr. Allez, oui. je vais vous passer le deuxième extrait. Écoutez bien, ça se passe justement après cette chanson qu'on entendait dans le premier extrait. Tu prends ton manteau, on s'en va. Prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là. Hein les frères Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi. Tu vas répéter ce que je dis, toi. Tu te tais maintenant. Tu te tais maintenant. Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis. Tu te tais ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. C'est ma gueule, là. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Putain, on s'en va. On s'en va. Stéphane. Monsieur Steven, non, te dépêche-toi. Faut que je t'explique, là. C'est un malentendu. Non, mais j'ai fait un mauvais placement. J'ai plus rien, j'ai plus de thunes. Ça va chier. Ça va chier. Alors, bon, forcément, je me doute que bah oui. vous avez trouvé. Bah eh ben, oui. On se retrouve tout de suite après la musique qui a servi pour le générique de fin. Oui. Qui est chantée par Catherine Ringer. Ouais. Et donc, dans l'un... Ça s'appelle Doudadi. Ah, Doudadi, ouais. La chanson s'appelle Doudadi. Ouais. Elle est chantée par Catherine Ringer et l'un des trois acteurs principaux, Didier Bourdon. Ah ouais. Pourquoi veux-tu m'abandonner alors que tu m'as tout donné? maladie. Le seul homme pour qui mon cœur bat, c'est toi, papa. Reprends-moi dans tes bras velus, comme la petite fille que je ne suis plus. Reviens sur tes genoux à dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, papa. Surtout pas. Je veux te suivre n'importe où. Ce que les gens diront, ça je m'en fous. Tout a dit. D'autres maris, je n'en veux pas que toi, papa. Je veux pas grandir, je veux rester avec mon landau, mes poupées. Tout a dit. De faire de gros poutou poutou, mon daddy tout. Reviens me border dans mon lit, me faire plein de guili guili. Et puis sur tes genoux à dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Donc c'était Dou Daddy, par Catherine Ringer et Didier Bourdon. Didier Bourdon, donc, qui est le deuxième compositeur de la musique du film avec Olivier Bernard. Ah ouais, bah tiens. Eh oui, alors je savais pas du tout qu'il était compositeur. Apparemment, enfin, je sais pas s'il l'a fait pour d'autres films, mais il l'a fait en tout cas pour celui-ci. Donc il a fait la musique et il a également réalisé le film avec Bernard Campan. D'accord. Pascal Légitimus, lui il était juste acteur en fait dedans. Ok. Alors, dans le film, à un moment, on voit justement Pascal Légitimus qui reçoit une personne d'origine africaine et il lui dit gentiment qu'il n'a pas besoin de lui en fait dans la boîte. En fait, cette personne, c'est Théo Légitimus. C'est le papa de Pascal Légitimus. Ah. Favoritisme. Je sais pas parce qu'il a joué dans d'autres films également. Il avait joué dans Le téléphone sonne toujours deux fois. Ouais. Qui étaient également donc des inconnus et donc enfin c'était même pas les inconnus, c'était les cinq. Ouais. Ils s'appelaient les cinq à l'époque. Je vais revenir justement sur l'origine du nom. Donc c'est juste après les trois frères que les inconnus ont eu l'idée de faire un film sur le thème des rois mages. Pour ceux qui s'en souviennent, la scène finale des trois frères met en scène le trio dans une cantine scolaire. Où l'un des cuisiniers les appelle les rois mages, Didier Bourdon appelant même Pascal Légitimus Balthazar. Ouais. C'est donc de là qu'a germé l'idée des rois mages. Donc 6 ans après et quelques projets parallèles, l'aventure prendra forme. Alors oui, je disais les inconnus donc étaient 5 à l'origine, parce qu'il y avait également Seymour Brussel et Smaïn, qui a quitté le premier, la troupe, pour faire une carrière solo. Seymour Brussel, lui, il est parti dans de la thérapie, je sais plus quoi. Rhumpologie. Mais les inconnus. Non, pas la rhumpologie. Les inconnus ont été 4 à un moment quand même. Hein. Oui, forcément, ah. Vu que Smaïn est parti. Donc il est resté Seymour Brussel. Ils s'appelaient quand même les inconnus. Ils ont commencé à s'appeler les inconnus quand ils étaient 4. Alors, pas tout à fait. En fait, ils se sont appelés les 5. Mais je vais y revenir justement. Donc, l'origine du nom, les inconnus. Pour les besoins d'un petit spectacle, ils avaient fait imprimer des affiches avec comme mention les 5. Et un bandeau d'accroche du genre découvert par Philippe Bouvard, parce que c'était dans le petit théâtre de Bouvard à l'époque, ouais. Pour profiter justement de sa notoriété. Ce dernier n'a pas apprécié la démarche, considérant que le nom Les 5 appartenait à son émission et qu'il n'avait pas le droit de l'exploiter. Le quatuor devint alors Les Inconnus, un nom qui porte la marque d'une ironie à l'égard de Bouvard. Alors il faut savoir qu'entre Les 5 et Les Inconnus, ils se sont fait appeler également les 4 quarts, je sais plus quelque chose. Les 4 quarts, je sais plus exactement le nom. Mais on les entend d'ailleurs dans Le téléphone sonne toujours deux fois. Il y a une musique également dans un bar où c'est Box, Just Box, le titre, et c'est en fait les 4 quarts qui le chantent. D'accord. Alors donc juste après le film, en raison de problèmes contractuels avec leur ex-manager Paul Lederman, qui détenait les droits du nom Les Inconnus, et leur interdisait par contrat de se produire ensemble, le trio éclate. Leurs deux films suivants, donc Le Paris en 97 et L'Extraterrestre en 2000, ne réunissent donc que Bernard Campan. Oui, L'Extraterrestre. J'ai jamais entendu parler de ce film. C'est Bernard Campan, je crois, qu'il a réalisé. Donc, ils réunissent donc Bernard Campan et Didier Bourdon. En 2001, ayant enfin réglé son différend avec Paul Lederman, le trio se reforme et tourne un nouveau film, Les Rois Mages. Donc, une suite du film Les Trois Frères est sortie le 12 février 2014 et a pour titre Les Trois Frères, le retour, et réalise un des meilleurs démarrages de l'année en doublant le nombre d'entrées du précédent opus sur la première semaine. Il a fait 953 000 entrées la première semaine contre 489 000 en 95. J'ai moins accroché, moi, pour le numéro. Oui. Mais Thibaut disait qu'il avait bien apprécié. Donc, il se retrouve en haut du box-office dès la première semaine. La fréquentation, par contre, est en forte baisse les semaines suivantes. Et le film réalise en tout 2 240 000 entrées, donc 3 fois moins que le précédent. Depuis ce jour-là, en fait, Pascal Légitimus a dit que on les verrait plus sous le nom Les Inconnus. Donc, il préparait apparemment un nouveau spectacle. Le spectacle apparemment est tombé à l'eau du fait que les critiques ont été très mauvaises sur le film. Bon, apparemment, visiblement, autour de la table, tout le monde l'a vu. Bah oui. Avec Poupette. Avec Poupette, bah oui. Choupette. Moi, j'aurais dit Choupette. Ah, Choupette. Ouais, c'est Choupette. Moi, je l'appelle Poupette. Voilà, t'as encore raté d'occasion de te taire. Ah, c'est bon. Alors, c'est vrai que là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour choisir les extraits, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques cultes dans le film. Bien sûr. Et je me suis dit, il faut que je trouve des répliques qui soient pas trop cultes non plus, pour qu'ils tombent pas tout de suite sur le film. Alors déjà, avec la chanson, je pensais avoir cartonné, mais alors Harry, comme d'hab, au bout de 30 secondes, il me dit, bon, ça va, je connais. Bon, bah voilà. Eh ben écoute, bien, belle rétrospective sur le film, donc Les Trois Frères. On se retrouve juste après ça. Oui, après Jean-Jacques Goldman et Cuny Williams. Cuny. Oui. Quand de fait au château, il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles, au noble sang de tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans, servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Le bel uniforme, le beau lieutenant, différent des hommes d'ici, blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. danser les rires et les danses. M'annoncer de merveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les vieux, tourne les violents. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les vieux, tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les vieux. Elle y pense encore et encore et toujours. Les violons, le décor et ses mots de velours. Son parfum, ses dents blanches, les moindres. Tourne les vieux, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne sans. Elle y pense encore et encore et toujours. Elle y pense encore et encore. RLM 107.9 FM. I told some lies and made you cry. Broke your heart. What a foolish guy. Played with your head. Cheated in bed. And though you knew, not a word to say. Now I'm begging you, baby, please come back to me. Back to here is where you wanna be. Off to my days and nights are so lonely. Baby, come back. Sit by the phone, sit all alone, waiting for you to call and tell me you wanna come home. Mistakes I made, threw love away. I know how it feels to lose everything, it hurts every day. And I'm begging you, baby, please come back to me. Back to dernière sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et toujours, évidemment, dans l'émission 120 au compteur. Oula, ils vont se faire taire. Ça va, 120 au compteur. 120 au compteur. Hein. 120 au compteur avec Jean-Marie Houdemaker pour la soirée donc, du 13 octobre donc, à la Blommerie. Ah, vas-y, Marine, t'as envie de faire foyou. Ah, c'est comme ça que tu fais. C'est la foule en délire. J'ai perdu ma voix un petit peu ce week-end, donc faut le temps qu'elle. Alors, si tu devais faire un résumé de la soirée du 13 octobre, tu dirais quoi alors? J'ai perdu ma voix. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas encore arrivé. J'ai perdu ma voix. Ouais. C'est ça. Donc, c'est soirée 80-90-2000. Donc, c'est au domaine de la Blommerie dès 21h avec Arnaud Tirard et DJ Pain. Ouais, alors elle l'a bien fait, Jean-Marie, ou pas? Oui, tu seras là? Bah oui, bien sûr. Ah là là, bien là, sûr. Là, là, là. Ah, ça promet. Voilà. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Non, n'ayez pas peur de venir voir Arnaud travailler en live plutôt que de l'entendre tous les matins. Voilà, vous le verrez en faire un mixage avec son ami Papon. Et ça va durer toute la nuit. Ouais, il va mettre le feu, Papon. Il va mettre le feu, Papon. Bon. Marine. Pour reprendre Corbier avec ses. Avec ses chansons flash, ouais. C'est l'histoire d'un pompier qui peint un pont. Pimpon, ouais. Voilà. Ouais. Et vous êtes bravo. Fatigant. Hein. Quoi? Vous êtes fatigant. Hein. Ah bah oui. Et dis donc, tu prends tes aises tout d'un coup, toi. Attention. Hein. Bon, bah justement, tu as la parole, tu vas la garder puisque tu vas nous parler d'un événement, d'une Ducasse. Ouais, la Ducasse Nel, ça va se passer à Luynes du vendredi 19 au lundi 22 octobre, donc la semaine prochaine. Ouais. Et donc l'ouverture officielle, elle va se passer le vendredi 19 de 20h à 22h. Et le samedi, il y aura Richard Alexandre. Oui. Oui. Abba Girls. Et... Oh, c'est beau. Moi, je suis perdue, voilà. Le samedi 20, donc dès 20h, donc toute la journée, il y aura des festivités, il y aura la foire, il y aura des repas, il y aura tout ça. Dès 20h, il y aura Richard Alexandre, Abba Girls et Émilie. Donc Abba Girls qui est un cover hein, de Abba. Ouais. Émilie aussi qui était là ouais, qui tient la boîte à musique d'Émilie. Voilà, donc on salue Émilie. Le dimanche 21, donc à partir de 8, donc ça commence à partir de 8h30 la journée, et dès 13h il y aura aussi des chanteurs, donc il y aura David Meyer, Wendy Fimiani, Franz Gouvart et Johnny Faustier. Ah, Johnny, tiens, ex du Crazy Horse. Tu dois connaître Jean-Marie, j'imagine. Oui, pas Crazy Horse à Rune, mais du Crazy Horse. Oui, ouais. Ouais, bien sûr. La grande époque du Crazy Horse. Donc c'est tout ce que tu as à nous dire sur la Ducasse Nel. Et donc le lundi 22 aussi, il y aura un repas offert par le domaine de la Blommerie. Et voilà, ça va... Je me perds. Ouais, parce qu'en fait c'est pour les participants qui organisent, c'est pour les organisateurs je crois. C'est, ah, ça, c'est ça que j'allais dire justement, ouais. Juste après. C'est pas pour le public. En tout cas, vous avez noté donc, la festivité donc, de la Ducasse Nel. Voilà. Donc ça se passe du 19 au 21. Et ben voilà. Parce que le domaine de la Blommerie est propriétaire de la salle Le Prévert qui se trouve à Luynes, rue de la Liesse. Voilà. Ok. Bon. Et ben, on en reparlera justement, on reparlera donc de cette soirée du 13 octobre qui aura lieu donc à la Blommerie, juste après ça. Juste après Arcadienne avec Folie Arcadienne. Et moi j'aimerais bien un petit Lady Kravitz, un petit nouveau là. Je le passerai dans la prochaine coupure musicale. Oh, t'es sûr hein. Ouais, tu sûr et certain. Hein. Ouais, bah oui, okay. Forcément. Alors, et ensuite on viendra avec Tom Dice et Elisa Tovati. Alors Tom Dice qui a été gagnant, je pense, à la. Ça doit être The Voice Belgique, il me semble, il y a de ça quelques années. Avec Elisa Tovati, une petite française. Et bon, on va découvrir ça. C'est parti. Tu peux la trouver ancrée sur ma peau. Tous les soirs, elle reprend des couleurs. Elle te fera péter les plombs. Tu peux tomber dessus dans le métro. Elle se joue solo ou à plusieurs. Parfois perdre la raison. Est-ce que tu ressens les pulsations d'un tape sur la caisse fait résonner le son? Est-ce que tu sens monter la pression? Oh, oh, oh. jour se lève, on se débriefe la soirée de la veille. Dans un after, sur les bords de Seine. Une jam, le concert, trois festivals. On met le son, les basses à fond, Arcadian original. Au son de nos voix qui se mélangent, c'est pas banal. Est-ce que tu ressens les pulsations d'un tap sur la caisse fait résonner le son? Est-ce que tu sens monter la pression? C'est une philosophie, oui c'est un état d'esprit. La folie arcadienne, oh, oh, oh. La folie arcadienne, oh. Celle que l'on aime, celle qui nous éloigne de nos problèmes, oh, oh, oh. La folie arcadienne, celle que l'on aime, la seule et l'unique qui coule dans nos veines. Of us, we're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed. Musée, que l'on partage deux, trois secrets d'enfants passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour. Non, rien. You and I, close together, a new dimension, still far from being complete. You and I, close together. Yeah, we will succeed. Du temps, l'envie, pas de bruit. La nuit, le jour, sans rien autour. Toi et moi. Où est-ce que ça? C'est tellement déjà. Il nous manque si peu de choses. Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose. You and I, close together, new dimension. But if we dare, we will succeed. RLM 107.9 FM. RLM. Oui, tu vois, on voit que tu remets les micros, notre ami Sherlock, tu casses tout même d'ailleurs. C'est vrai. Bon, alors on a un gagnant justement pour le samedi 13 octobre pour la soirée donc à la Blomerie, soirée donc années 80-90-2000, donc avec Didier Pimpon et Didier Arnaud Tirard. Et donc c'est Harold Bernard Derzo qui nous a envoyé donc la réponse sur la page donc Facebook 120 au compteur. Donc voilà. Est-ce qu'on repose la même question? Est-ce qu'on refait gagner deux places ou pas? Est-ce que c'était quoi la question? C'était quoi la réponse? Une petite demi-heure. Donc Marine va répéter la question. Qui était l'interprète de You're first, the last, my everything. You're the first, the last, my everything. J'adore ton accent. Et la réponse, évidemment, tout le monde la connaît. Thibaut va la donner. Barry White. Eh ben voilà, absolument. Alors, est-ce qu'on pose une autre question? Oui, chanteur de Let the Music Play. On peut. Ah bah, qui est le chanteur, qui est l'interprète de Let the Music Play? Non, on va prendre un artiste francophone. Ah bah ouais, pour la question. Allez, un artiste francophone qu'on va retrouver forcément dans la soirée. Alors, qui chante au hasard un morceau que tu connais, Les Lacs du Connemara? Ah bah voilà. Alors, qui interprète Les Lacs du Connemara? Aucune donc, si idée. Vous avez donc, la un réponse. Un morceau plein d'ambiance. Absolument. Et qui est incontournable dans les soirées. Et qui est incontournable dans les soirées. C'est là où tout le monde sent. Aucune idée. Hein? Tu sais pas qui c'est? Et je peux dire, Thibauti, que quand il entend les lacs du Connemara, je peux vous dire qu'il vous fait un casa de choc. C'est vrai, Thibauti, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, voilà. Okay, ouais, j'ai même des vidéos à la Stéphane faire la même chose sur la piste. Impossible. D'ailleurs, je me demande comment il fait avec ce petit corps à réussir à faire du casa de choc. Mais vraiment, mais c'est un truc de fou, énorme, Thibauti. Désolé, hein, je donne quelques détails personnels. Alors, voilà, qui chante les lacs du Connemara? Voilà, qui chante, voilà. Qui chante Charlotte, les à toi? Ah ben, ah! Un chanteur. T'aimes brûler. Magnifique. Au vent. Attends, faut qu'on fasse la couronne. Des langues de pierre. C'est Charlie, à toi. Non, mais attention, ne répondez pas Sherlock, c'est pas la réponse. Ouais, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a un vrai chanteur qui chante ça, il faut nous donner son nom. Voilà. Juste pendant les coupures musicales, n'hésitez pas donc, à appeler donc, au 056 34 11 81. Précédé du 00 32, donc 00 32 56 34 11 81 si vous appelez depuis la France, ou sur la page Facebook de l'émission, donc émission 120 au compteur. Vous nous laissez un petit message avec le nom de l'interprète dont vous pensez qui chante cette chanson, et on vous répondra, donc on vous dira à l'antenne. On se retrouve tout de suite après Amir avec son dernier titre Longtemps, et on reviendra avec Lenny Kravitz avec Love. Youhou! Lenny! Tu vois, j'ai mis bien Marie. Youhou! Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines. Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies et tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps.

musique que vous aimez, c'est sur RLM. Toujours dans l'émission 120 au compteur, et là je vais vous parler des sorties ciné, donc les sorties qui sont sorties hier en fait. Pour, pour faire. Ça a l'air con quand il dit ça, je trouve. Ben oui, c'est vrai. Mais je m'en rends compte moi-même. Hein. Non, mais attends, c'est toujours intéressant. Les gens, ils vont pas forcément au cinéma le mercredi. C'est vrai. Alors, donc, les sorties, je vais commencer par les sorties en Belgique avec le film d'animation Yeti et compagnie. C'est un film de Carey Kirkpatrick. Et ça sort en France le. Attendez, le combien d'ailleurs ? Non, ça sort en France la semaine prochaine, le 17 octobre. Je sais plus dans quel monde on vit. Donc, vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide Yeti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes. Il s'agit d'un humain. Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de conquérir la fille de ses rêves, en passant, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté Yeti, car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde. Donc lui va décider d'aller découvrir le monde avec les humains. Et j'ai d'ailleurs une photo du film en avant-première. Effectivement, ça m'a l'air sympa. Ouais. Ça m'a l'air vraiment sympa. Mais sérieusement, c'est moi. Ah, je me disais aussi que je le connaissais, Yeti. C'est pour ça qu'il est fini. Alors, ensuite est sorti hier en Belgique et en France le film Johnny English contre-attaque avec Rowan Atkinson, donc celui qui faisait Mr Bean, Ben Miller et Olga Kurylenko. Un film de David Kerr. Donc cette nouvelle aventure démarre lorsqu'une cyberattaque révèle l'identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission, découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ses attaques. Avec ses méthodes obsolètes, Johnny English doit relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission. Bon, forcément, c'est des gags. Mr Bean, quoi. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup. Enfin, c'est l'humour anglais par excellence. Hein. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je suis pas très fan de. Il parle dedans ou pas Oui, il parle. Ah. Il parle. Ouais, c'était que dans Mr Bean où il parlait pas. Et encore, même en français, il lui avait donné la voix de Danny Boone. Ah ouais. Donc, bon. Ensuite est sorti donc hier en Belgique et en France Voyez comme on danse, donc avec Karine Viard, Jean-Paul Rouve et Carole Bouquet. C'est un film de Michel Blanc. Donc bon, c'est un peu compliqué le synopsis. Ça parle plein de monde en même temps. Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils, apprend qu'Eva, lycéenne de 17 ans, a oublié de le prévenir qu'il allait être père. La mère d'Eva, enfin bref, c'est tout un quiproquo. Je lis même pas jusqu'au bout parce que vous allez rien comprendre déjà. Tout ce petit monde est lié. Il va y avoir plein de petites histoires autour de ça. C'est un film comique. Comique. C'est un film comique, oui. Film français comique. Donc on sait faire les comédies en France. Donc ouais. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. En plus, il y a quand même du beau monde dans le casting. Et enfin, je vais finir avec donc le film qui est sorti hier en Belgique et en France. Le blockbuster, on va dire, c'est Venom avec Tom Hardy, Michelle Williams et Jenny Slate. C'est un film de Ruben Fleischer. Donc le journaliste Eddie Brock mène une enquête sur le dirigeant d'une société nommée Life Foundation. Cette dernière travaille sur des matériaux extraterrestres en menant des expériences sur des humains. Eddie est alors infecté par un symbiote qui va petit à petit prendre le contrôle de son corps et de son esprit pour devenir le protecteur létal Venom. Alors Venom, on en avait déjà entendu parler dans le numéro 3 du premier Spider-Man qu'ils avaient fait en film. Donc c'était avec... C'était les films de Sam Raimi, la trilogie de Sam Raimi. Là, en fait, ils se concentrent. Alors, c'est un peu compliqué. Dans le cinéma, il y a le MCU, ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe. Donc, avec les Avengers, Iron Man, enfin, tout cela. À côté, il y a Sony qui détient également des licences, dont Spider-Man. Donc, Spider-Man, quand on le voit, il est dans les Avengers, mais on le voit, là, on l'a vu avec un film dernièrement. Et là, en fait, tu comprends pas ? Non. Si, mais non. Je te vois parler, mais je suis perdue. D'accord. Spider-Man, et en fait, Sony. Là, en gros, Sony ne peut pas utiliser les grands noms Marvel. Donc, ils utilisent, on va dire, les seconds couteaux. Donc, comme là, Venom, ils vont sûrement faire également sur je crois que c'est la chatte noire ou un truc comme ça qui sont des personnages de l'univers de Spider-Man. Ils sont réveillés là.

malheureusement, elle nous a quittés le lundi. Donc, je voulais en parler quand même, parce que voilà, on connaît les parents, on a une grosse pensée pour les parents, bien évidemment. Wonder Augustine, c'est une association maintenant qui perdure, puisqu'en fait, ils vont continuer à mener des actions pour récolter des fonds, pour aller un peu plus vite au niveau de la recherche et notamment au niveau des tumeurs cérébrales pour les enfants. Donc voilà, donc une grosse pensée, je pense, de la part de tout le monde pour les parents d'Augustine. Et on pense bien sûr à l'association Wonder Augustine qu'on recevra très certainement dans les studios d'ici quelques semaines quoi, pour nous reparler un peu de cette association. Maintenant, bon, on va redevenir un peu plus léger. On va reparler donc du 13 octobre. Jean-Marie, si tu devais nous vendre donc cette soirée, tu me dirais quoi ? Je dirais que c'est l'occasion jamais de passer un excellent moment, de revivre tous les hits et les tubes que vous avez connus depuis 1980. Et ils sont nombreux. Il y a des variétés musicales différentes. On a eu droit à des tempos musicaux différents. Et c'est avec plaisir que nos deux DJ, Pimpon et Arnaud, issu de votre maison. Oui, de RLM, bien sûr. Voilà, que vous entendez tous les matins, venez le voir en direct, venez écouter, venez danser, venez vous amuser, venez oublier un peu vos soucis, et voilà, et passez une excellente soirée en voyant nous deux DJ vous mettre le feu. Et voilà, et au dance floor. Sur le dance floor. Et ouais, c'est sûr, on y sera, ça c'est clair. Marine, rappelle-nous qu'il y a aussi donc la Ducasse Nel qui a lieu donc de. Ouais. Ça démarre le vendredi 19. Voilà, jusqu'au 20 ou 21. Jusqu'au 21, hein. Il y a plein d'artistes qui vont aussi se produire. Bon, il y a Richard Alexandre, il y a Emily, entre autres, et d'autres artistes. Il y a ABBA Girls, qui est le cover de ABBA, et puis bien d'autres artistes. Il y a également le spectacle Paris on t'aime. C'est ce dimanche-ci, donc un spectacle haut en couleur qui va vous retracer tous les événements et tous les beaux quartiers de Paris. On parlera à la fois de Pigalle, des Champs-Élysées, des Galeries Lafayette, j'en passais des meilleurs, de la Révolution française, du général Lafayette, tout en musique, en images et en comédie. Je peux vous dire que c'est un très très beau spectacle. Donc ce sera le 14 octobre, donc c'est ce dimanche-ci, hein, séance à 14h et une séance à 17h. Vous avez peut-être encore des possibilités de gagner des places. Vous nous envoyez votre nom et votre prénom sur la page Facebook 120 au compteur, allez jusque d'ici 22h. Donc il reste encore quelques instants. Et puis on salue aussi également Thibauti qui nous a fait donc le plaisir de sa venue. Merci, c'est avec plaisir, mais c'était pas prévu au programme, mais c'est gentil de m'avoir reçu quand même. Mais c'est aussi le principe de l'émission, c'est de recevoir aussi comme ça des gens, c'était pas prévu. Et on a aussi avec nous Nicolas de l'émission donc XLFM. XLFM, c'est ça, hein ? XLFM. XLFM. XL, c'est pas les grandes tailles. XLFM, donc qui revient lundi, hein, c'est ça Nico ? Donc lundi à quelle heure ? 19h-20h, donc vous retrouverez Nico et qui vous parlera de foot comme il sait bien le faire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ça marche. J'allais dire partez, partez-vous bien. Restez à l'écoute surtout, on est 24h24. Restez à l'écoute des RLM, allez. Ciao.